Cours numéro 6. Nakmil, comme ça la semaine prochaine on passe au Amr. Vous êtes motivé ou ta'ibtum? Hein? Nakmil, hatta le prochain dars, inshallah ta'ala, on commence directement l'Amr. Et ça sera assez rapide. Et on a déjà plutôt expliqué cette mas'ala dans nos durus de Aqida, al-haqiqa wal-majaz, lakin c'était assez bref. قال رحمه الله الحقيقة والمجاز ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. Toujours on est dans le chapitre du kalam. On répète le kalam en langue arabe, c'est un lafz. Un lafz c'est quoi? C'est une parole qui est faite de sons et de lettres, bien sûr avec un sens. Et ce kalam ça peut être un nom, ça peut être un verbe, ça peut être des lettres. Et le kalima, le lafz. Thumma, quand ces mots, ces noms, avec ces verbes, avec ces huruf, ils sont liés l'un à l'autre, ça donne des sens, il a arrêté tout ce qu'on a vu dans le dars précédent. Thumma, Cheikh Ibn Uthaymeen, on a ici, أن الكلام, كلام العرب, ينقسم إلى قسمين, il se divise en deux, حقيقة ومجاز. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a nabbah dans son charh, أنه quand il avait écrit Al-Usul, ce livre au départ, il avait cité Hadha Taqsim. Thumma, avec le temps, il s'est aperçu que Cheikh Al-Islam le Taymiyyah, rahimahullah, et d'autres savants, ils ont démontré que ce Taqsim, c'était un Taqsim de Al-Mu'tazila. Et on n'a pas besoin de Hadha fil Haqiq. Lakin, Cheikh Al-Taymin, il l'a laissé dans ce livre, l'imad, l'anna, dans les livres d'Usul, tu vas trouver beaucoup ce taqsim. Même dans certains durus fil aqida, l'ulama, ils en parlent. Donc si tu arrives à comprendre c'est quoi le haqiqa, c'est quoi le majaz, est-ce que vraiment dans la langue arabe il y a des mots qui sont haqiqi et des mots que c'est mimbab et le majaz, dès que tu auras compris hada, inshallah ta'ala, ça te facilitera. قال وينقسم الكلام من حيث الاستعمال الى حقيقه ومجاز. Et al-sawab, on répète al-haq, en vérité al-kalam, il ne se divise pas en deux, haqiqa ou majaz. Al-kalam kulluhu haqiqa. Al-majaz, Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, l'imam, il l'a qualifié de tahrout. L'imam, ça veut dire quoi le majaz? On vous donne une explication simplifiée avant de lire. Al-haqiqa ou al-majaz. Donc, al-kalam, مثلاً, on va prendre le mot lion, al-asad en arabe. Al-asad en arabe. C'est un mot, c'est un nom. Al-haqiqa, c'est quoi? C'est un animal féroce qui vit dans tel endroit. Il a créé le lion, al-asad. Tout le monde connaît. C'est quoi un lion? Ça, c'est le haqiqa. Et le mot qui est employé pour le connaître cet animal, un lion. Al-majaz, indahum, c'est quoi? C'est quand tu dis Muhammadun asadun fil qital. Ou tu dis هذا الأسد قاتل في المعركة قتالا عنيفا شديدا إلى آخره. On appelle des êtres humains أسد, خاصةً pour les qualifier de courageux إلى آخره. عندهم, quand tu dis un أسد être humain, tu l'appelles أسد, c'est du majaz. لماذا؟ لأن الحقيقة c'est l'animal, et vu que lui c'est pas un animal, c'est من باب المجاز. هذا Ibn Taymiyyah, rahimahullah, l'imam, Cheikhul Islam, et كذلك son élève Ibn Qayyim, et كذلك à notre époque, l'imam Shankiti, rahimahullah, Nasra hadha al-qawl biquwa, et il a écrit un livre fi hadha. Hum, ماذا يقولون? Ils disent que quand on dit al-asad pour l'être humain, en le qualifiant de courageux, c'est pas du majaz. Bel, c'est de la langue arabe, et c'est le haqiqa. Aïe, ça veut pas dire que c'est un animal, là, mais ça veut dire que quand il est qualifié de courageux, il a akhiré, on dit asad, c'est pas du majaz. Et la langue arabe, elle est venue avec ce sens. Même si le sens principal, c'est l'animal, kadhalik, parmi les sens de al-asad, le lion, c'est pour l'homme courageux. Donc ils disent, il n'y a pas de majaz. Et fil haqiqa, ils ont fermé la porte à Ahlul Bida'i wa Dalal. Pourquoi? On revient à la gravité. Ahlul Bida'i, ils ont cité hadha taqsim, al-haqiqa wa al-majaz. Pour arriver à quoi? Pour arriver à rejeter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Famathalan, qawluhu azza wa jal, bal yadahu mabsutatan, Allah il a deux mains. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ça c'est mimbab al-majaz. Eux ils ont dit c'est exactement quand tu dis l'homme courageux c'est un lion, alors que c'est pas un lion, c'est pas un animal. Fa ils disent أن كنت الله سبحانه وتعالى إلى دي لا دو مان سي من باب المجاز سي با من باب الحقيقة أي سي با دي فغي مان الله إلى دي لا دو مان أي سي بور مونتخي لا فورس بور مونتخي النعمة بور مونتخي بور مونتخي فهذا فأفك هذا المجاز إلا أوتيليزي بور روجوتي الصفات Et ils se sont basés sur ça. Ils ont dit, le Coran est descendu en langue arabe et on le comprend avec la langue arabe. La langue arabe, elle se divise en deux. Haqiqa wa majaz. Toutes les sifat, ils les ont fait rentrer fibab al-majaz. Et attalullah subhanahu wa ta'ala an sifat al-kamal. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, fi al-sawa'iq al-mursala, il a un long passage du livre, il l'a réservé pour ibtal ta'out al-majaz. أي برفضي هذا الطاغوت، سان طاغوت المجاز. لماذا؟ لأنهم avec هذا المجاز، ils ont rejeté le حق، ils ont combattu أهل الحق. Donc القول الصحيح c'est qu'il y a pas de majaz dans le Coran الكريم، ça c'est clair dans le Sunna et كذلك dans la langue arabe. الكلام c'est le كلام، لكن comment tu vas comprendre le mot c'est par rapport au contexte. Si je dis الأسد يعيش في الغابة وياكل كذا الى اخره tu vas comprendre quoi tu vas comprendre l'animal al-asad le lion il vit dans la forêt ou dans la jungle ou dans tel pays et il mange telle chose tu vas comprendre automatiquement l'animal si je te dis al-asad كان معنا امس وركب على كذا il était sur son cheval Et pendant Al-Ma'raka, pendant la bataille, il a fait telle chose, il a été à tel endroit, il nous a aidés. Est-ce que tu vas comprendre l'animal ? Tu vas comprendre, Annahu, c'était un homme, lakin il a été qualifié de Asad. Pourquoi ? Parce qu'il était courageux. Ça fait partie de la langue arabe. On n'a pas besoin de dire Haqiqa ou Majaz. Limada li'annahu, ça ouvre un bab de shar. Cette explication, walillahi alhamd, pour te montrer, Anna hadha taqsim, il est batil. Hadha taqsim, il est batil. Lakin, بعض العلماء il le cite كشيخ ابن عثيمين رحمه الله il l'avait cité لماذا لأنه au départ il avait pris le قول أنه ça arrive dans certains passages pas du Coran le Coran ils sont d'accord أنه il n'y a pas de majaz لكن dans la langue arabe ثم il est revenu ولله الحمد أنه il n'y a pas de majaz فنقرأ الآن كلامه ça va être plus clair وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس Al-Haqiqa, c'est le mot qui a été choisi pour décrire telle chose. Et le sens principal. Mathalan al-Asad pour l'animal féroce. قال فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجاز. نعم. الكلام المستعمل, ça fait sortir al-muhmal. Mathalan, un mot qui n'est pas en langue arabe. Si tu, au lieu de dire al-Asad, tu dis lion, enfin pour ha'oula, c'est pas du kalam. Il faut que ça soit en langue arabe. هذا سهل. On l'a vu dans notre درس في النحو. قال وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وشرعية وعرفية. الحقيقة, elle se divise en trois. Ça peut être une حقيقة شرعية, ça peut être une حقيقة عرفية, ça peut être une حقيقة لغوية. هذا الكلام il est طيب. Tu en auras besoin. Tu auras besoin. فالحقيقة c'est le كلام. Ça peut être un كلام. Une حقيقة qui montre par rapport à la langue. Par rapport au texte Al-Qur'an ou Sunnah, ou ça peut être par rapport au urf. قال فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة. فإن حقيقتها اللغوية الدعاء. فتحمل أو فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. الصلاة, le mot الصلاة, tu as une explication linguistique dans la langue arabe. Tu as une explication, shar'an, la salat qu'on connaît tous. Salat al-duhr, wal-asr, wal-maghrib, wal-isha, wal-fajr, etc. Fa-as-salat, dans la langue arabe, un de ses sens, c'est al-du'a. Fa-ahyanan, tu verras que tu vas comprendre le mot salat, pas la salat comme on fait nous. Quand tu fais le takbir, ruku' sujoud, là, tu vas comprendre min as-salat, al-du'a. Ça, c'est la première chose. Et on détaillera. Plus avec la haqiqa al-shar'iyya pour montrer la différence. Wa al-haqiqa al-shar'iyya hiya al-lafd al-musta'mal fi ma wudi'a lahu fi al-shar'a. Ay, ce mot qui est cité dans les textes du Coran ou al-Sunna, il y aura un sens spécifique par rapport au din. Tu verras l'exemple avec al-salat, l'uratan. قال فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في الكلام في كلام أهل الشرع على ذلك. الصلاة quand tu as le mot salat dans le Coran ou le Sunna, en général, on dit bien en général, c'est pas toujours. C'est pour ça que le haqiqa, il faut faire une remarque, une précision ici. En général, qawlullah azza wa jal, matalan aqimus salat. Est-ce que tu vas comprendre as-salat linguistiquement ad-du'a ou as-salat faire la salat qu'on connaît tous al-fajr ou ad-duhr ila akhir. La shak que c'est salat shar'iyya, elle est citée dans les textes. Lakin أحيانا tu as le mot salat qui est cité dans les textes et al-murad bihi c'est ad-du'a. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم. Faire la salat sur le prophète صلى الله عليه وسلم. Est-ce que ça veut dire faire at-takbir, ruku', sujoud pour le prophète عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. Comment on a fait sortir as-salat, as-shar'iyya, son sens shar' pour rester sur la langue arabe, le sens linguistique plutôt, ad-du'a. Limadha li'anna on a une qarina, on a une preuve qui nous montre, beaucoup de preuves qui nous montrent que la salat c'est que pour Allah Azza wa Jalla. Et la salat avec takbir ila akhir. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lah. La sharika lah, ta'ammal. Allah il n'a pas d'associé, salat c'est que pour Allah. Donc tu ne peux pas comprendre min qawlihi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi que tu dois faire salat pour le Nabi alayhi salatu salam. Abadan. Bal huna c'est ad-du'a. Tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. C'est ça as-salat ala Nabi salatu salam. Et c'est un du'a pour le Nabi salatu salam. Tu ne demandes pas à Nabi salatu salam, là. Tu fais un du'a pour lui, tu demandes à Allah. C'est pour ça qu'on dit Allahumma salli ala Muhammad. Ou on dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yusalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, ay un du'a. On fait un du'a pour un nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu la différence entre al-haqiqa al-shar'iyya wa al-lughawiyya. Qala ou al-haqiqa al-urfiyya. Hiya al-lafd al-musta'mal fima wudhi'a lahu fi al-urf. Ça c'est très très important. Et ça viendra incha'Allah ta'ala quand on étudiera ensemble القواعد الفقهية باب العرف المهم. Tu as des mots, le sens c'est par rapport au urf. Maintenant, dans certains pays ça voudra dire telle chose, dans d'autres pays ça voudra dire une chose différente. Enfin, tu es situé dans le pays où le sens c'est telle chose, tu dois faire attention quand tu emploies le mot. Il y en a, les gens ils vont comprendre le mot comme ils le savent eux, pas comme toi tu l'as compris dans un autre pays. فلهذا قال شيخ العثيمين فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية مثال ذلك الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان فتحمل عليه في كلام أهل العرف في كلام أهل العرف. الدابة في الحقيقة dans la langue arabe ça englobe كل أو كل ما يدب على الأرض. Tous ceux qui marchent sur terre c'est des dawab, êtres humains et animaux compris. لكن عرف الناس الآن dans les pays arabes le mot دابة c'est pour un animal. Si un veut qualifier, il veut rester sur le sens arabe sans revenir au urf, et maintenant il dit Fulan c'est min ad-dawab, il va le prendre pour une insulte. Il va le prendre pour une insulte. Alors que, en haqiqa, en langue arabe même, l'être humain il est qualifié de dawab. Kadalik, limadha li'anna, il marche sur terre, kadalik, comme l'animal. Lakin al-haqiqa al-urfiyya, anna summu al-an, inda al-arab, il veut dire telle chose, enfin on fait attention. Et هذا في الحقيقة من باب الفائدة هذا c'est pris en compte عند القضاء. مثلا tu insultes ou plutôt une personne elle insulte une autre personne, هو il va vouloir jouer sur les mots et il va dire, le juge il va le convoquer, l'autre il a porté plainte, أنه il m'a insulté, il a appelé, هو il va dire ce mot en langue arabe, c'est pas forcément une insulte. Anna, je lui ai dit, lakin lui, il a compris une insulte. Moi, pour moi, j'ai voulu dire telle chose. Le juge, il va regarder le haqiqa al-urfiyya. Tu vis dans ce bilad. Tu sais très bien que ce mot, il veut dire telle chose. Et que quand tu lui as dit, il a compris une insulte, il va le juger, annahu, il a insulté. Al-haqiqa al-urfiya, elle prendra le dessus. Et ça, c'est important de savoir que dans tel cas, al-haqiqa al-shar'iyya, elle prend le dessus. Dans tel cas, al-urfiya, elle prend le dessus. Al-urfiya, elle prend le dessus quand tu n'as pas de délil. Al-urf, il est musta'mal bih quand tu n'as pas de délil. Mathala, nafaqatu al-nisa. Al-mutallaqa, la nafaqa, on n'a pas de délil. On n'a pas de délil qui montre combien l'homme il doit donner à la femme divorcée. Il doit lui donner 1000 dirhams, 2000, 10 000. On n'a pas de délil. Ça revient au urf. Dans ce pays, mathalan, une femme divorcée, ils vont lui donner à peu près 2000, 3000 dirhams. Enfin, le juge, si cet homme il divorce avec sa femme, enfin, nafaqa, ça sera la somme qui est connue dans le village. Enfin, le urf, c'est mohim. Quand tu n'as pas un dhabit shar'i, tu reviens au urf. Et inshallah ta'ala, on détaillera ce point fi kutub al-qawa'id. قال وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام نحمل كل لفظ على معناها الحقيقي في موضع استعماله فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. Et ça c'est très très important. أن le كلام ça dépend qui c'est qui le dit, tu auras un sens. فمثلا المحدث quand il dit al-hadith, il est mashhour, ça ne sera pas comme al-faqih, al-usuli, quand il va dire al-hadith, il est mashhour. عند al-muhaddith, al-mashhour, c'est dans la chaîne de transmission, dans une tabaka, il y a tant de rapporteurs. عند al-faqih, عند al-usuli, al-mashhour, c'est al-hadith, il est connu, عند al-nas, il peut être dans Sahih al-Bukhari, muslim, mutawatir, il est mashhour. Pour vous montrer, le mot, il peut être différent par rapport à qui c'est qui va nous dire ce mot. Et là, c'est très très important. Comme les gens, ils mélangent. Ils entendent une chose et ils mélangent. Ils mélangent. Les madani, ils ne connaissent pas al-haqa'iq. Et on répète, s'il y a un dalil qui montre ce sens linguistique dans notre din, il y a un dalil qui montre que le ma'na c'est kada, enfin, on revient au din. On répète le mitlal de as-sala. As-sala, lughatan, ça veut dire ad-du'a. Fichar, c'est le deuxième pilier de l'islam. Si on a un dalil qui montre que en salat, c'est ad-du'a, enfin, on revient au ma'na lughawi. Ya ayyuha alladhina amanu, sallu alayhi. On ne peut pas faire une ibadah pour Nabi sallam, c'est interdit. Adorer autre qu'Allah, c'est du shirk. Automatiquement, tu comprends, mais la salat, huna, ad-du'a. Qala thaniyan. والمجاز دونك on a fini le haqiqa. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. C'est un mot qui va être employé dans une chose à la base, il n'a pas été instauré pour هذا. On répète le lion, à la base c'est pour l'animal. Enfin, si tu l'emploies pour un autre, ça sera du majaz. Ibn al-Qayyim rahimahullah yarad biquwa ala hadha. Ibn al-Qayyim rahimahullah il montre très simplement man, qui c'est qui vous a dit que le mot lion c'était pour l'animal à la base et on l'employait pour l'homme. Min ayn ja hadha? Là, le mot lion c'est pour l'animal et c'est pour l'homme courageux et kada. Par rapport au contexte, tu comprends. Il n'y a aucun problème. Quand c'est l'homme courageux, le contexte il te montrera que c'est un homme. Quand c'est pour l'animal féroce, tu comprends que c'est pour l'animal. On appelle hadha asad, hadha asad. Ayn al-ishkal? قال رحمه الله فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا هذا تقدم مثلا un mot qui n'est pas en langue arabe c'est ni حقيقة ni مجاز c'est pas un mot en langue arabe وخرج بقولنا في غير ما وضع لها الحقيقة on l'a vu هذا on l'a vu le bab de الحقيقة il y a quelques instants ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة on répète أن هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين il l'a cité avant de revenir au قول de Cheikh l'Islam et de montrer que أصلا il n'y a pas de حقيقة il n'y a pas de مجاز donc هذا on le lit فقط قال ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن رجل عن الرجل الشجاع أي faut qu'il y ait un lien entre le mot qui va être employé pour le haqiqa مثلا l'animal féroce le lion et pour la chose une autre chose le mot lion il va être employé pour une autre chose faut qu'il y ait un lien مثلا le lien entre l'homme courageux et le lion c'est le courage C'est la force. C'est l'habilité dans le combat. Il a akhiré. Donc il y a bien un lien. Hada ala qawl, ceux qui disent qu'il y a du majaz. Dans la langue arabe. Qala fa in kanat المشابهة سميت تجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع وإن كانت غير مشابهة سميت تجوز مجازا مرسلا إن كانت تجوز في الكلمات ومجازا عقليا إن كانت تجوز في الإسناد توسع مثال ذلك في المجاز المرسلا تقول رعينا المطر فكلمة المطر مجاز يعني العشب فالتجوز بالكلمة ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز لماذا؟ لأن celui qui va رزق qui va faire que cette plante elle va poser إلى آخره c'est Allah سبحانه وتعالى لكن أضيف هنا إلى المطر من باب المجاز كما قالوا وإلا on n'a pas besoin de tout ça nous on dit que la langue arabe cette formulation de phrase c'est comme ça et on sait que celui qui donne c'est Allah سبحانه وتعالى قال لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسناد أسهل من هذا c'est de dire أن هذا c'est un أسلوب من أساليب العرب العرب ils emploient ce mot أنبت المطر العشب ils le disent ils disent la pluie elle a fait pousser telle plante en langue arabe on sait très bien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala on sait très bien que le matar c'est un sabab en langue arabe ils emploient cette formulation on n'a pas besoin de dire majaz ila akhir الحقيقة Si on viendrait expliquer tout le kalam de Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est très très compliqué. Alors que notre dîn, il est simple. C'est pour ça que les ulama, les muhakkikoun, comme Cheikh l'Islam et ses élèves, ils ont démontré qu'on n'a pas besoin de hal. Tu dis que le kalam kulluhu haqiqi, et ça dépend du contexte. Et les Arabes, ils ont parlé hakada. C'est la langue arabe qui est faite comme ça. On n'a pas besoin de haqiqa ou majad. C'est pour ça que hada taqsim, tu ne le trouves pas عند السلف. Les salaf, ils n'ont jamais dit haqiqa ou majad. Abdan. Et c'était Afsah al-Nas. Le Coran, il est descendu, il a été révélé avec leur langue. Et As-Sahaba, radiyallahu anhum, ils n'ont jamais parlé de haqiqa wa majaz. Ceux qui ont inventé hadha al-taqsim, c'est ba'du ahl al-bida'. Et ils sont rentrés min hadha al-bab pour combattre al-din. Et pour rejeter ce qu'ils ne voulaient pas. Tout ce qu'ils ne veulent pas fait le Coran, on prend l'exemple de Sifat, ils l'ont rejeté avec hadha. Ils ont dit la langue arabe, c'est min bab al-majaz. En fait, ça ne veut pas dire telle chose. Et ils se sont permis de dire ce qu'ils veulent. Et ils se sont égarés, iyadun billah. Fal-hadar, ça nous montre la gravité d'inventer une chose qui n'était pas à l'époque des salafs. Même dans la langue, des catégories taqsimat qui n'avaient pas à l'époque des salafs, on fait attention, on n'a pas besoin de hadha. Qala, wa min al-majaz al-mursal al-tajawuz bil-ziyada wa al-tajawuz bil-had, mathalu lil-majaz bil-ziyada. Vous avez remarqué, on a, il a dit mathalu. Il n'est pas de cet avis. حتى في هذا لماذا لأن هذا القرآن يبقى زيادة القرآن يبقى زيادة سي كلام الله قال مثل للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء فقالوا إن كاف الكاف زائدة أي ليس كمثله eux ils ont dit là-bas c'est ليس مثله شيء لكن الكاف il a été c'est une زيادة pour montrer nous on n'a pas besoin de dire هذا c'est كلام الله الكلام il est parfait الكاف هنا c'est من باب التوكيد t'as pas besoin de dire زيادة قال فقالوا إن الكاف زائدة للتأكيد نفي المثل عن الله تعالى ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى وسل القرية vous vous rappelez de ce مثال on l'a vu dans القواعد المثلى et c'est dans ce مثال que Cheikh Ibn Uthaymeen il avait parlé du مجاز إلى آخر وسل القرية أي وسأل أهل القرية فحذفت أهل مجازا qu'est-ce qu'on dit نحن on dit là en langue arabe c'est comme ça En langue arabe, ils disent « Is'al al-qariya » pour montrer et ils demandent à « Ahl al-qariya » tu ne vas pas demander au mur. Donc c'est une formulation parmi les formulations de la langue arabe. Hum, ils ont dit c'est du majaz. Ça revient à la même chose, on a la même compréhension. Lakin, Ahl al-bida' ils vont utiliser hada pour d'autres choses. Khasatan fi bab al-sifat. Qala, fahudifat ahl majazan walil majaz anwa' kathira. مذكورة في علم البيان وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقية وإما مجاز فاحتاج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم تنبيه شيخ ابن تيمية رحمه الله dans le شرح il a expliqué أن à l'époque quand il avait écrit الأصول من علم الأصول Ils pensaient que le kalam dans la langue arabe linguistiquement il se divisait en deux catégories, majaz et haqiqa. C'est pour ça qu'il a expliqué. Thumma dans le sharh, qala, il a informé annahu hadha at-tanbih, qu'on va lire cette remarque. Fil haqiqa, il l'avait envoyé à la maison d'édition qu'elle a imprimé son livre pour leur dire de, qu'il était revenu sur son qawl. Et il disait plus bil haqiqa wal majaz, et il leur a demandé de rajouter, et après al-haqiqa wal-majaz de laisser, et après al-haqiqa wal-majaz de citer la remarque. Annahu, il est revenu à hadha al-kalam. Et al-haqiqa, le fait de l'avoir laissé, il y a une faïda. Tu vas savoir al-usuliyun qu'est-ce qu'ils disent al-haqiqa wal-majaz ila akhiri. Et anta, tu sais que hadha al-taqsim, il est pas bon. Lakin, tu pourras le comprendre s'il est cité. Et ça, c'est muhim. Léna, tu le trouveras dans kutub al-usul. Tu le trouveras même dans les kutub al-aqida. Ils vont parler de haqiqa wal-majaz. Anta, tu sais c'est quoi l'an. Et tu sais que al-qawl al-rajih, c'est ce que Cheikh Al-Uthaymeen il a rajah à la fin. C'est pour ça qu'ils ont cité le tanbih. Le tanbih, c'est une remarque pour montrer que il est pas d'accord ou il est plus d'accord. Anna le kalam, il se divise en deux, haqiqa wa majaz. Qala taqsim al kalam ila haqiqa wa majaz huwa al mashhur 'inda akthar al mutaakhirin fi al Qur'an wa ghayrihi. Beaucoup disent que il y a du majaz même fil Qur'an. Ça c'est grave. Et Anna, ça ouvre une porte. Wahid, il va dire ce mot en fait c'est du majaz, il va l'expliquer avec ses passions comme ils ont fait. الأشاعرة والمعتزلة وجميع المعطلة بعضهم يزن حرف بعضهم يزن عطل عيدا بالله قال وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن. Certains savants ils ont dit il n'y a pas de majaz في القرآن لكن dans la langue arabe ça arrive. C'était l'ancien قول de Cheikh Al-Uthaymeen. قال وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره. Et c'est ça le صحيح. Tu as trois قول. Un قول qui dit il y a du majaz dans la langue arabe et dans le Coran. Hada, ça peut ouvrir des portes très très graves. Le deuxième qawl, ils disent il n'y a pas de majaz dans le Coran. Ils ont fermé la porte par rapport au Coran et ils disent le majaz ça arrive dans la langue arabe. Et as-sahumin, c'est le troisième, il n'y a pas de majaz. Là, dans le Coran, voilà dans la langue arabe. La langue arabe, elle est comme ça. Tu comprends le mot par rapport au contexte. Tu n'as pas besoin de dire haqiqa ou la majaz. C'est la langue arabe qui est comme ça. Qala, wabihi qala Abu Ishaq al-Isfrayini. الإسفرايني ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي سمين أحسن من بينا. إلى مونتخي إلى ليفر في هذا أنه إلى مونتخي إبطال القول بالمجاز. إلى دي مونتخي كافي با مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا دون لا لانغ عرب سي لا ريفيرونس في هذا الباب سي سامبليفي. أما celui qui veut les détails فقال وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة ونصره بأدلة قوية كثيرة نعم نعيد قال ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. صلى الله عليه الشيخ ابن تيمية اللي revenu وقول ده شيخ الإسلام ابن تيمية سنة ابن القيم وكذلك الإمام الشنقيطي عليهم رحمة الله. Et celui qui veut les détails, fa mukhtasar as-sawa'iq de l'imam ibn al-Qayyim, c'est min ahsan man radda ala hadha al-qawl ay qawl al-majaz. Alhamdulillah. Naktafi bi hadha, subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.